Alors ce mot « understandable » va me donner l'occasion de passer à notre transformation suivante, c'est-à-dire au mot en « able », qui, comme Michel Thomas le faisait déjà remarquer dans ses méthodes, sont généralement les mêmes en français et en anglais, bien que là encore la prononciation soit différente. En anglais, la terminaison « able » se prononcera « able », comme dans le mot « understandable » que nous venons d'évoquer. Alors je voudrais que nous nous entraînions à partir d'un certain nombre de ces mots en « able », et vous verrez là encore comment vous allez pouvoir libérer toute une série de mots anglais que vous connaissez sans le savoir, ce qui va vous encourager à enrichir par vous-même votre « English vocabulary ». Bien, alors, quel sera le mot anglais pour dire « probable » ? Probable. Probable. Là encore, on insiste en anglais sur la syllabe qui précède cette terminaison, donc « probable ». On frappe en quelque sorte sur cette syllabe « probable ». Probable. Et comment direz-vous « acceptable » ? Acceptable. Acceptable, oui. Et donc, si comme ça se dit « that way », comment direz-vous « ce n'est pas acceptable pour moi comme ça » ? It is not acceptable for me that way. It is not acceptable for me that way. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà les méthodes arabes Michel Thomas, est-ce que cet exemple vous dit quelque chose ? C'était l'un de ses préférés. Alors, je voudrais en profiter pour vous donner un conseil dont il faudra vous souvenir tout au long de cette méthode. Je tâcherai pour ma part de vous rappeler au moins une fois les mots et expressions déjà vus dans les méthodes débutants et perfectionnement, mais dès que vous aurez un doute sur une structure ou un mot de vocabulaire déjà rencontré, comme ici l'expression « that way » pour dire « comme ça, de cette façon », vous pouvez toujours vous reporter à ces méthodes ou reprendre le passage de notre méthode de vocabulaire où le mot ou l'expression en question est abordé. C'est comme ça que vous pourrez tirer le maximum de cette méthode de vocabulaire qui a été conçue pour renforcer ce que vous avez déjà appris et élargir vos connaissances et non pas pour revoir les mêmes choses. Bien, alors continuons. Si chaise se dit chair, chair, qui s'écrit C-H-A-I-R, comment direz-vous cette chaise n'est pas très confortable? This chair is not very comfortable. This chair is not very comfortable. Mais attention, comfortable s'écrit avec un M et non un N. C-O-M. Comfortable, C-O-M. Vous voyez que c'est pratiquement le même mot qu'en français, mais la prononciation est très différente. Comfortable. Pas de son on, puisque ce son n'existe pas en anglais. Et ici, l'ensemble C-O-M se prononce come. Et notez que O-R est à peine audible, comfortable, et que c'est la première syllabe qu'il faut frapper. Comfortable. Bon, alors prenons un autre exemple. Si sœur se dit sister, S-I-S-T-E-R, comment dira-t-on « votre sœur a fait un travail remarquable » ? Alors, pour traduire « travail », vous connaissez déjà le mot « work ». Mais là, on va employer un autre mot, que vous connaissez aussi d'ailleurs. C'est « job ». Ce mot n'a pas de mystère pour vous, puisqu'on l'utilise également en français. Alors, encore une fois, « votre sœur a fait un travail remarquable ». Et au passage, pour dire « a fait », on va employer le passé de « to do », qui est « did ». Your sister did a remarkable job. Your sister did a remarkable job. Vous trouverez dans le livret d'accompagnement d'autres noms de membres de la famille signalés par un astérisque. Ces mots qui appartiennent à une même série sont donnés en plus afin de compléter le vocabulaire introduit dans cette méthode, tels que les nombres ou les mois de l'année, que nous n'avons pas le temps de voir individuellement. N'hésitez pas à employer ces mots pour créer, to create, des exemples de votre cru. Bien, alors, si au lieu de « votre sœur », vous voulez dire « ta sœur a fait un travail remarquable », ça sera « Your sister did a remarkable job ». That's right. C'est la même chose, puisqu'en anglais, on ne fait pas la distinction entre « tu » et « vous », qui se disent tous les deux « you ». Et on ne la fait pas non plus entre ton ou ta et votre, qui se disent tous your. Donc, your sister, votre sœur ou ta sœur, did a remarkable job. Vous avez trouvé sans problème l'équivalent de remarquable en anglais, remarkable, qui s'écrit avec un K en anglais, donc K-A-B-L-E à la fin. De manière générale, si vous n'êtes pas sûr d'un mot et que vous pensez qu'il ressemble probablement à son équivalent français, n'ayez pas peur d'essayer de le deviner. Vous tomberez juste plus souvent que vous ne croyez. Et quand vous lisez de l'anglais et que vous trouvez des mots qui ressemblent au français, vous serez également capable de deviner leur sens. Michel Thomas nous encourageait toujours à le faire, à deviner les mots, mais attention, jamais la structure. Bon, alors voyons encore quelques-uns de ces mots en able si faciles à deviner. Si, comme vous le savez déjà peut-être, le mot pour bébé est baby, B-A-B-Y, hein, pensez au babysitting, alors comment dirait-on « votre bébé est adorable » ? Your baby is adorable. C'est ça. Your baby is adorable. Ou adorable s'écrit exactement comme en français. Mais notez bien que le A initial se prononce E, adorable. Bien, alors continuons sur notre lancée. Comment dit-on inévitable ? Inevitable. Inevitable. Et donc, des changements sont inévitables, et pour dire des changements, on dira changes, qui est le pluriel de change, donc changes tout court, sans rien devant. Alors, reprenons notre phrase, des changements sont inévitables. Changes are inevitable. C'est ça, changes are inevitable. Vous voyez comment ce type de transformations vous permet d'enrichir facilement votre vocabulaire. Remarquez que pour former le pluriel de change, c'est comme en français. On s'est contenté d'ajouter un S à la fin, mais contrairement au français, c'est un S sonore. Dans le cas de changes, on entend un son is à la fin. Changes. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard.